Il y a, dans toute démarche scientifique, une recherche de stylisation. On essaie de trouver des mots auxquels on donne des sens précis, comme le mot « temps » qui est dans votre vocabulaire, et avec lequel vous êtes arrivé à une certaine efficacité. Je suis d'accord. Quand on va étudier des phénomènes sociaux, en fait, il sera extrêmement difficile, et bien, en fait impossible, précisément, d'avoir un vocabulaire qui soit commun à toutes les situations sociales. C'est bien là que je pense qu'on va se séparer. Et on va se retrouver avec ce que j'appelle des conditions initiales, mais qui vont être une barrière bien plus radicale qu'en physique, parce qu'en fait, on ne pourra pas précisément dire « mais toute chose égale par ailleurs, en fait, on pourrait observer autre chose ». Non, on est dépendant des conditions initiales qu'on n'arrive pas à dépasser. Je pense que là, il y a une différence. Parce que vous avez plein de causes qui s'entremêlent. Elles ne se remettent pas en cause la notion de temps. Là, vous pouvez dater les événements sociaux non. de la même façon. Il y a des causes qui interviennent à des moments différents. Ça ne justifie pas d'invoquer un temps différent. Moi, je n'invoque pas le temps. Voilà. Je ne l'invoque pas. Voilà. Je suis en train de décrire scientifiquement, d'une certaine manière, des phénomènes sociaux. Je n'invoque pas le temps. Je pense que vous en parlez. Je pense que vous ne l'invoquez pas. Enfin, en tout cas, moi, je pense que ce n'est pas un objet qu'il faut invoquer. C'est un objet dont on parle. Et effectivement, je pense qu'il y a une manière d'en parler en physique qui est extrêmement efficace, qui a produit son efficacité pas. Dans son on champ. On n'en parle pas, on l'utilise. Oui, enfin, c'est on pire. On n'en parle pas, les gens ne parlent pas mais, du tout. Non, mais vous l'utilisez, vous produisez des résultats constatables. Voilà. Il faut quand même que vous compreniez la force. C'est-à-dire, non, mais la force, quand Newton fait son temps et une dimension, il se pose la question de savoir quelle est la forme du temps qui a cette courbe et une dimension, quelle forme a-t-elle ? Mais non, on se rend compte que il y a deux possibilités quand vous avez une courbe à une dimension, soit c'est un segment droite, soit c'est une courbe qui se referme sur elle-même. Soit c'est deux extrémités différentes, soit c'est une boucle. Enfin, à partir du moment où vous dites que le temps n'a qu'une dimension, il est soit linéaire, soit cyclique. Lequel on prend ? Ben, les gens disent on va s'arranger pour que la cause ne puisse pas rétroagir sur les effets qu'elle produit. En temps un temps cyclique, en allant vers, il y a une cause A ici, en allant vers le futur de la cause, qui engendrerait un effet B, en allant dans le futur de l'effet, on revient dans le passé de la cause, et l'effet peut rétroagir. Ce que je veux dire, c'est que le temps physique, le temps dont vous parlez en physique, mais c'est le temps. Non. Ne me sert absolument pas à décrire aucun phénomène historique. Voilà ce que je peux dire. Par des lois. Évidemment. S'il n'y a pas de loi, on a voilà. besoin du temps. Mais s'il y a des lois, c'est bien ce que je dis. L'idée même de loi suppose que la loi ne dépend pas du temps. Sinon, c'est pas une loi. Voilà. Okay. Donc, c'est bien ce que je dis. Vous voyez, ben d'accord, c'est ce que j'appelle l'explication nomologique, dont précisément on connaît les limites en sciences sociales. Voilà. Voilà, c'est bien ça le problème. Bon, je suis bien d'accord, c'est là qu'on diverge.